mères sont chantées, pas composer chanson, pas voir ou pas critiquer, en malanga certains peuples, leur dit vérité, y'a qu'à offenser, leur dit ça au cas vrai, y'a pas qu'à content, leur dit ça qu'à passer, y'a qu'à merder. En fait une chanson, si l'argent a offert là, ça qui en met là, c'est yo qui en merde contre moi. La partie qu'a dit moi, c'est la vérité qui moi qu'a dit. Moi méchanté, a dit ça moi qu'a vrai. Moi méchanté, a dit ça qu'a passé. Moi méchanté. Toujours la vérité. Si vous êtes musicien, ça son but on doit connaître. En réalité, tout le monde a patiné même goût là. Nous avons parti qu'a dit, nous aimons la musique à dit céleste. L'autre partie qu'a dit, bah non, rebelle oison. L'autre partie qu'a dit, donc et bah non, Eric Kozak. En d'autres parties qu'a dit, Joké Banoisala. Yon parti qu'a dit, nous aimons la musique atypicale. L'autre parti qu'a dit, Joké Banou Maxès. Yon parti qu'a dit, Joké Banou Joël Plonkit. L'autre parti qu'a dit, Joké Banou Maxé Henri. L'autre parti qu'a dit, Zoké Banou Ipoumen. L'autre partie qu'a dit, Banou Malanga. En l'autre partie qu'a dit, Zoké Banou Franky Vincent. En l'autre partie qu'a dit, Banou Tifabrice. L'autre partie qu'a dit, Banou Anzala. L'autre partie qu'a dit, Banou Max et Henri. Yon parti musicien qui parle vendat évoluer. Moi y'a pas pareil à la mandi pour notre travail. Moi y'a pas pareil à la mandi pour notre travail. Yon parti mon kadi à la la aime chanter si femme. Ça c'est pas faute à moi. Moi aime dit ça moi ta voix. C'est pas faute à moi. Moi, me dis ça qu'a passé. C'est pas fort à moi. À cabaler dans la réalité. Ça que red vous a trouvé. Non, musicien comme moi. A toujours apprécié. Tout musicien qui en Guadeloupe. En parlant, moi, mes désordres. En parlant, moi, voyez mes fouilles. Ça, moi, qu'a mandé. Pour musique, non, et évoluer. Ça m'a commandé pour notre travail musical. Ça m'a commandé pour nous vivre musical. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da die, die, die, die, die, die, die, die, die, die.